إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous étions dans le 13e hadith. On ne l'a pas terminé, c'est le hadith numéro 13. عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم d'après تميم الداري رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: la religion, c'est le conseil sincère à trois reprises. Nous avons alors dit envers qui, au messager d'Allah? Il dit envers Allah, son livre, son messager, les autorités des musulmans, les gouvernants des musulmans, ainsi que la masse de la communauté. Et nous nous sommes arrêtés à ce passage. An-nasiha li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. En quoi consiste le conseil sincère envers le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم؟ فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا وَمُعَادَاتُ مَنْ عَادَاهُ وَمُوَالَاتُ مَنْ وَالَاهُ. C'est d'affirmer, de reconnaître et de croire au message du prophète alayhi salatu wassalam et d'avoir la foi en tout ce qui nous a enseigné, rapporté alayhi salatu wassalam. Aussi de lui obéir, de lui donner une obéissance dans ce qu'il a ordonné et dans ce qu'il a interdit. Il a demandé qu'on fait, on fait. Il nous a interdit de faire, on ne fait pas. Et de le secourir, de lui venir en aide, en secours, de son vivant et après sa mort. De son vivant, comme l'ont bien fait les compagnons, radiallahu ta'ala anhum, qui ont été les véritables secoureurs du prophète alayhi salatu wassalam. Après sa mort, de secourir sa personne alayhi salatu wassalam, de secourir ses enseignements, de secourir la religion avec laquelle il est venu alayhi salatu wassalam. Donc sa personne est sacrée ainsi que le message avec lequel il est venu. Et il n'est venu qu'avec un message plein de miséricorde, un message plein de sagesse. Et c'est un message où s'y trouve toute la vérité. Et son message est le juste milieu. Il est entre les deux extrêmes. Le message du prophète, alayhi salatu wassalam. De prendre comme ennemis ceux qui l'ont pris comme ennemis, ceux qui ont été contre lui. Et de prendre comme alliés ceux qui se sont ralliés à lui. Alayhi salatu wassalam. Wa i'zamu haqqihi. وتوقيره وإحياء طريقه وسنته وبث دعوته ونشرها ونفي التهمة عنها وخدمة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها وإعظامها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم والتخلق بأخلاق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه. De le magnifier, de le respecter et de faire revivre sa voie, sa méthodologie, son chemin, ses enseignements, alayhi salatu wassalam, et de propager son prêche et de le divulguer et de répondre et de réfuter toute accusation mensongère à son encontre et à l'encontre de ses enseignements, alayhi salatu wassalam, ou être au service des sciences qu'il nous a laissées, de ses enseignements, d'aller à l'apprentissage, d'essayer de comprendre ce qu'il nous a enseigné et d'aller chercher la véritable sens et d'appeler à cela et de se comporter convenablement lors de la lecture de ces hadiths alayhi salatu wassalam et de la science qu'il a laissée comme héritage et de se taire lorsque on ne sait pas, on ne parle pas dans la science lorsque la personne ignore, il ne parle pas, il faut se taire. C'est un mauvais comportement, c'est un danger pour la personne qui parle sans science, la personne qui parle au nom de la religion, qui parle au nom d'Allah, qui parle au nom du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est pire que le mensonge qui existe entre les gens. Ça, c'est un grand péché de mentir. Encore pire de mentir dans la religion d'Allah, de mentir sur Allah, sur son prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas plus injuste que celui qui viendrait proférer un mensonge à l'encontre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa man azlamu mimman iftara ala Allah al-kadhib. Et qui est plus injuste que celui qui profère un mensonge à l'encontre d'Allah? ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Et ne dites pas parce que vos langues profèrent comme mensonge que ceci est permis et ceci est interdit pour proférer un mensonge à l'encontre d'Allah. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit: فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Que celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place, qu'il aille choisir un endroit dans le feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il est voué à entrer dans le feu de l'enfer vu la gravité de l'action qu'il a commise. Donc on ne connaît pas, on ne parle pas. Ça c'est parmi les grands péchés. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Et ne suis pas ce dont tu n'as pas connaissance. Ne parle pas au sujet dans lequel tu n'as pas de connaissance, car sur l'ouïe, la vue et la raison, sur toutes ces choses, tu en seras questionné. Donc quand la personne, elle ne sait pas, elle ne parle pas, mais plutôt elle questionne. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Et la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit ala sa'alu hina jahilu fa inna ma shifa'u al'ayl as-su'al. Pourquoi n'ont-ils pas questionné lorsqu'ils ont ignoré? Car le remède de l'ignorance, c'est de poser la question. Donc celui qui ne sait pas, il questionne. Et le fait de questionner, c'est une façon d'être à la quête du savoir. La quête du savoir, c'est de s'asseoir pour s'apprendre et aussi de questionner sur ta religion, les choses que tu ne connais pas, pour apprendre et pour être sur une clairvoyance. Comme dans le prêche. Le prêche, hein, la personne qui va prêcher, qui va appeler, qui va parler, il doit le faire sur une science. Là où il ne sait pas, il se tait, il n'entre pas dedans. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة أي على علم. Dis voilà mon chemin, j'y appelle à Allah sur une clairvoyance, sur une science, moi et ceux qui m'ont suivi. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ceux-là qui appellent vraiment à Allah, ce sont ceux qui suivent le prophète alayhi salatu wassalam. Ceux qui ne suivent pas le prophète alayhi salatu wassalam n'appellent pas à Allah, n'appellent pas de la manière qui plaît à Allah azza wa jal, n'appellent pas de la manière qui est demandée par Allah azza wa jal, celle qu'a accomplie le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les seuls véritables qui appellent à Allah azza wa jal, une action qui est agréée, acceptée d'Allah azza wa jal, ce sont ceux qui sont derrière le prophète alayhi salatu wassalam, qui appellent comme cela leur fut enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Seulement lui, le prophète sallam, et ceux qui l'ont suivi. Ce sont ceux-là qui appellent vraiment à Allah et ils appellent sur une clairvoyance, sur une science. Et la science, c'est l'héritage laissé par le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que les savants, ceux qui ont le savoir, ce sont les héritiers des prophètes. Car les prophètes, c'est ce qu'ils ont laissé comme héritage. C'est cette science qui a été prise par les savants et qui est enseignée de génération en génération. Donc toute personne qui viendrait à vouloir vous couper, couper la communauté des savants, cela n'appelle pas à Allah et n'appelle pas sur une clairvoyance. Ceux qui veulent nous couper des premières générations, des salaf salih, alayhim rahmatullah, cela n'appelle pas vraiment à Allah et n'appelle pas sur une clairvoyance. Ceux qui veulent nous couper des compagnons, radiallahu anhum, d'une manière ou d'une autre, n'appellent pas vraiment à Allah et n'appellent pas sur une clairvoyance. Car l'élite des savants, ce sont les compagnons. Les compagnons sont les savants de la communauté. Les compagnons, c'est eux qui détenaient le savoir qu'ils ont pris directement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ce sont eux les maîtres de tous les savants qui viennent après. Donc, وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَامِ فِيهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Hein, imsak, vous connaissez le terme imsak, hein, c'est de s'abstenir, l'abstention. Hein, pour le jeûne, on s'abstient de manger et de boire. On appelle ça l'imsak. D'accord ? Et là, c'est l'abstention de parler. Al-imsaku anil kalami fiha. Hein, de s'abstenir de parler sans science. Wattakhalluq bi akhlaqi hadha ar-rasul. Et de se comporter avec les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les bons comportements, ce sont les comportements avec lesquels est venu notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ceux qui ont été enseignés par le prophète alayhi salatu wassalam, les nobles caractères, les comportements élevés et qui font qu'une nation, un peuple se distingue d'autres peuples par ce bon comportement, c'est celui qui nous a été enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala fait les éloges de son prophète alayhi salatu wassalam. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Et tu es certes doté d'un noble comportement, d'un comportement élevé, qui le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Tous ses enseignements sont un noble comportement alayhi salatu wassalam. C'est un exemple pour nous dans tous les domaines et dans le domaine du comportement. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Vous avez été dans le messager d'Allah un très bon exemple à suivre, à prendre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit innama bu'ithtu liutammima salih al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour compléter, parachever, parfaire les bons comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui se comporte bien de la meilleure manière, celui-là, il a les récompenses de la personne qui jeûne le jour et qui prie la nuit. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne que celui qui aura la place la plus proche de lui le jour du jugement dernier, dans l'au-delà, c'est celui qui est doté d'un bon comportement. Donc un musulman est un exemple dans son comportement, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler, d'agir. C'est un exemple. Pourquoi ? Parce qu'il est musulman et il a appris les enseignements et le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, et donc il les représente. Le prophète, sallam, nous demandait d'être véridique et de ne pas mentir. Un bon musulman parle avec véracité, il ne ment pas. Le prophète, sallam, a interdit de voler. Un bon musulman ne vole pas. Le prophète, sallam, a interdit de tricher et de trahir. Un bon musulman ne triche pas, ne trahit pas. Le prophète, sallam, nous a enseigné d'aller chercher le risque, la subsistance, d'une manière permise. Un bon musulman ne le fait que d'une manière permise. Le prophète sallam nous enseigne de dépenser notre argent que dans ce qui plaît à Allah. Un bon musulman ne dépense son argent que dans ce qui plaît à Allah. Azza wa Jal, et ainsi de suite. Le prophète alayhi sallam nous a tout enseigné. Il n'y a pas un bien qui nous rapproche d'Allah et qui nous fait entrer au paradis sans qu'il ne nous l'ait pas enseigné, sans qu'il ne nous ait pas demandé de le faire. Et il n'y a pas un mal qui nous éloigne d'Allah et qui nous fait entrer dans le feu de l'enfer sans qu'il n'en ait pas averti, alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallam nous a enseigné, c'est aux gens d'aller apprendre leur religion et d'aller apprendre les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc si vous entendez parler d'un bon comportement, sachez que c'était le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était un exemple. Ce n'est pas l'image qu'on essaie de faire passer des musulmans, comme quoi les musulmans ce ne sont pas un bon exemple. Il y en a qui ne montrent pas le bon exemple. Ils ont des comptes à rendre, hein, sur leurs agissements, sur leurs paroles. Mais ce n'est pas tous les musulmans. Il y a des musulmans, alhamdoulilah, qui essaient de faire les efforts pour montrer le vrai visage de l'islam, qui essaient de montrer le bon comportement de l'islam. Et c'est pour cela qu'il faut s'éloigner de toutes ces sectes égarées, innovatrices, même s'ils essaient de se faire passer pour des gens qui ont un bon comportement. C'est un leurre. Ce n'est pas ce que les gens disent être un bon comportement qui est un bon comportement. Pensez-vous que d'assister à des actes de polythéisme, d'association, et de rester silencieux, et de ne pas bouger de sa place, c'est ça le bon comportement? Ben, c'est ce qu'on fait croire aux gens. Et celui qui va de la meilleure manière parler pour dire que c'est une action qui est mauvaise, ça fait sortir de l'islam, ça fait tomber les œuvres, la personne va tout perdre. C'est du polythéisme, ils disent, toi tu fais la fitna. On a mélangé tous les sujets, les gens ne savent même plus quel est le véritable comportement à avoir dans telle ou telle situation. C'est qui fait la fitna, qui ne la fait pas. La fitna, elle est faite par les gens de l'innovation. Le fait qu'ils ont innové, ils ont dévié de la voie du prophète, ça c'est la fitna. Mais la voie du prophète, il n'y a que le bien dedans. C'est clair que parfois quelqu'un peut avoir la vérité, mais il ne sait pas la transmettre. Il se comporte mal pour la transmettre, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a beaucoup, alhamdoulilah, qui ont la vérité et qui savent la transmettre. Mais les gens du faux, ils vont se focaliser sur les erreurs des gens qui appellent à la vérité. Ils les attendent, comme ils disent, au virage. Et quand c'est de l'autre côté, alors là ils ferment les yeux, ils disent, tu vois, un tel, il a un bon comportement. Quel bon comportement ? Quelqu'un qui rejette les hadiths du prophète, sallam, il a un bon comportement. Quelqu'un qui ne respecte pas les paroles d'Allah, il a un bon comportement. Quelqu'un qui met des gens au-dessus de la parole d'Allah et de celle de son prophète, sallam, il a un bon comportement. Quel comportement qu'il a? Ce comportement-là, il va le faire entrer au paradis? C'est un comportement qui plaît à Allah, azza wa jal. Il y a des gens, même le mot comportement, ils vont dans l'extrême dedans. L'excès. Ils pensent que le bon comportement, c'est de fermer les yeux, de tout accepter. Il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Ils pensent que c'est ça le bon comportement. Si ça, c'était le bon comportement, pourquoi Allah, il nous dit de faire l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, d'ordonner le bien et d'interdire le mal? Pourquoi il nous demande de faire le conseil? Subhanallah. Si c'était ça le bon comportement, non. Le bon comportement, c'est ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il faut aller chercher comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait pour lui ressembler, pour faire comme lui, car lui c'est le bon exemple de tout musulman et de toute musulmane. Comme ont bien fait les compagnons radiallahu anhum, qui ont tout pris le message du prophète alayhi wa sallam. Le message de l'islam, on n'en prend pas une partie, on délaisse une autre partie. Non, c'est un tout. On prend tous les enseignements. Et chaque enseignement de l'islam, il a sa place. C'est clair qu'il y a plus important qu'important. Mais tout est important. Contrairement à ce que disent les frères musulmans. Ils disent à certains, vous vous occupez des épluchures. A'ouzou billah. De dire d'un enseignement du prophète que c'est une épluchure. A'ouzou billah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. C'est grave. La barbe, c'est une épluchure. Telle chose, c'est une épluchure. Si c'était une épluchure, et ça n'en valait pas la peine, pourquoi le prophète nous le demande? Ça voudrait dire que le prophète demandait à la communauté de s'occuper de sujets qui n'ont aucune utilité. A'oudhu billah. Il faut faire attention. Des fois, les gens ne voient pas la gravité parce qu'ils jugent avec leur petit raisonnement à eux. Leur balance, des fois, elle est faussée. Et parfois, des choses, on les voit minimes. Alors qu'elles sont grandioses auprès d'Allah. تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. C'est ça le problème. Comme un sage a dit, ne regarde pas le péché que tu fais, et minime soit-il, ou la petitesse de ton péché, mais regarde envers qui tu le commets. La puissance et la grandeur de celui que tu as désobéi. Subhanallah. Donc c'est important. Mais ça c'est pour celui qui magnifie les textes. Qui sait la place qu'ont les paroles d'Allah et celles de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les soufis, ils disent, nous on aime le prophète, on aime le prophète. Ils aiment le prophète en désobéissant au prophète. Comment tu peux prétendre un véritable amour, puis tu prétends que ton amour, il dépasse celui de ceux qui s'exécutent aux ordres du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour faire accepter leurs innovations, qu'ils disent, prétendent avoir fait au nom de l'amour du prophète, ils disent que leur amour, il est au-dessus. A'ouzou billah. Pour prouver ton amour du prophète, il faut faire le maulid. Célébrer la naissance. A'ouzou billah. Faire des festivités avec tous les interdits qui s'y trouvent. Et l'action en elle-même, elle est interdite. Et ils disent, nous on le fait parce qu'on aime le prophète. Vous n'aimez pas le prophète. Voilà ce qu'ils disent. Tu leur dis, il ne faut pas invoquer les morts. Les tombes, tu peux aller les visiter. Tu invoques Allah pour eux. Toi, tu es encore en vie. Tu as des actions à accomplir. C'est toi qui peux leur être utile aux défunts. Eux, ils ne peuvent plus rien faire pour toi. Une fois qu'ils ont quitté ce monde, ils sont partis dans un autre monde. Voilà, leur part d'ici, elle est finie. Leur livre est fermé. C'est toi qui peux. Tu es encore en vie. Invoque Allah en leur faveur. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Le contraire. Quand tu leur dis, c'est pas comme ça qu'on visite les tombes, vous interdisez la visite des tombes. Voilà comment ça part. Subhanallah. Et des exemples, il y en a plein. Des exemples, il y en a plein. Enfin, faut faire attention. Les gens du faux cherchent tout moyen pour faire dévier les gens. Pour les ramener avec eux dans leurs égarements. Qu'ils en soient conscients ou inconscients, le résultat, il est là. Les frères musulmans, comment ils font? Ah, vous, vous occupez pas de la communauté. Ah, vous, nanana, et ainsi de suite. Que des paroles, pour vous dévier les gens de la vérité. Comme si eux, ils s'occupaient de la communauté. L'établir, qu'est-ce qu'ils disent? Nous, on s'occupe des gens dehors, on les ramène. Vous les ramenez où? Les gens, ils étaient dans les péchés, vous les avez ramenés dans les innovations. D'un mal, vous les avez ramenés dans un mal, même peut-être pire. Subhanallah. Donc, il faut faire attention. Les gens cherchent à faire accepter leur mal de toutes les façons possibles. Parfois même avec le côté mensonger. Les khawarij d'aujourd'hui, qui sont le fruit de la da'wah des frères musulmans. Qaïda, Boko Haram, Daesh, tous les noms, c'est pareil à la fin. C'est que le titre, c'est que l'étiquette. T'enlèves l'étiquette, t'en mets une autre. Le contenu, c'est le même. A'oudhu billah. Là, il y a deux jeunes, ils ont tué leur mère. Deux jumeaux. À Riyad, là en Arabie Saoudite, là il y a quelques jours. Avant-hier, je crois. Deux jumeaux, deux petits jeunes de 20 ans. Ils ont pris des couteaux, ils ont tué leur mère dans un coin. Ils ont poignardé leur père de 74 ans. Ils ont poignardé leur frère de 22 ans. Le père et le frère, ils sont à l'hôpital. La mère, elle est décédée en plein mois de Ramadan. A'oudhu billah. C'est quoi? Oui, on a prêté allégeance à Daesh ou à Bagdad ou je ne sais quoi. Ces shayatines, ces démons. Qu'Allah il leur donne la sentence qu'ils méritent. Et qu'Allah il nous élimine tous ces vermines, toutes ces personnes qui viennent au nom de l'islam faire tout le contraire de l'islam. Jamais, depuis quand un prophète il a appelé une personne à nuire ou à faire du mal ou à désobéir ou à tuer son propre père ou sa propre mère. A'oudhu billah. Ces gens-là, wallah, ils sont dans une maladie énorme. À force de regarder ces vidéos, qu'il faut s'en éloigner. Le sang, le sang, le sang. La personne, ça ne lui fait plus rien de voir le sang. Le sang, la personne n'a plus de côté sacré. Plus rien. Ils sont capables de tuer des gens, même dans une mosquée. Alors en dehors de la mosquée, n'en parlons même pas. On veut aider la Palestine, on veut aider. Ils ne vont rien aider. C'est eux qui font que ça persiste. Et ça les arrange, les Khawarij. Ça les arrange, et les frères musulmans, ça les arrange que ça continue les problèmes. Parce que s'il n'y avait pas de problème de calamité dans le monde musulman, il n'y aurait pas de matière pour attirer les gens. Donc pour attirer les gens, il les touche par le côté émotionnel, sentimental. Depuis quand le prophète, dans son prêche, il attirait les gens en leur disant « On a des gens qui ont été exécutés, on a des gens qui ont été torturés, on a des gens... » Subhanallah. C'est-à-dire, ça veut dire que s'il n'y a pas, personne n'entre dans la religion. Ça, ce sont des gens du faux. Wallah, on ne sait même pas il y a qui derrière eux, des musulmans ou des non-musulmans. Je n'entre même pas dans ce domaine-là. Je parle de ce qui se passe en nom de l'islam. Le premier qui se lève, voilà un bon nombre de gens qui vont, comme a dit Ali radiallahu anhu, ce sont les suiveurs de toute vague. La première vague qui arrive, ils y vont. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Ça, là, ces gens-là, leurs ancêtres, ce sont les Khawarij, les premiers. Et leur ancêtre, c'est celui qui a osé regarder le prophète en sallam. C'est pour vous dire le degré. Et il lui a dit, « Ô Mohammed, sois juste dans ton partage, car tu n'as pas été juste. » A'oudhu billah. Vous avez vu le culot? Ils n'ont aucun respect. Et il lui a dit, ça c'est un partage dans lequel on n'a pas recherché la face d'Allah. Il remet en doute la sincérité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça pourquoi? Pour une histoire de partage de butin, que de la dunya. Ils vous disent, on fait pour Allah, c'est que la dunya. Et leur leader, et leur chef, et leur prêcheur, ils cherchent que la dunya. C'est connu pour celui qui a des yeux, des véritables yeux, et une clairvoyance. Ils ne cherchent que la dunya. Ce sont des gens qui cherchent la dunya. Comme un il avait dit à Hassan al-Basri, rahimahullah, il lui a dit, que penses-tu des Khawarij? Il a dit, ce sont des gens qui cherchent la dunya. Il lui a dit, comment ça? Ils se font tuer dans les combats et ainsi de suite. Il lui a dit, pourquoi le gouvernant? Il t'a interdit de prier? Non. De jeûner? Non. De faire le pèlerinage? Non. Donc, il t'a privé d'un bien de ce bas monde et tu as combattu pour ça. C'est tout. C'est que de la dunya. Et c'est pour ça qu'ils disent aux gens, vos droits, vos droits, vos droits, on vous a privé de vos droits, le pétrole, vous avez votre part dedans, ça c'est le bien de la communauté, et ainsi de suite. Ils leur parlent un langage comme leurs ancêtres ils ont fait, les premiers, comment ils ont fait? Uthman radiallahu anhu, ils ont été propagés sur lui. Oui, vous avez vu, il donne tout à sa famille, il met dans les postes que sa famille, et ainsi de suite. Ils ont même fait des documents faux. Et signés, ils ont fait croire que c'était des documents qui venaient de Uthman, radiallahu anhu, pour monter des gens contre Uthman, radiallahu anhu. Et ça s'est terminé comment? Par l'assassinat de Uthman, radiallahu anhu, un homme qui avait plus de 80 ans, le troisième meilleur homme dans les compagnons, radiallahu anhu. Il était en train de lire le Coran. En pleine lecture du Coran, ils sont venus l'assassiner, radiallahu ta'ala anhu. Et après, ils ont fait la même chose avec Ali, radiallahu anhu. Il se dirigeait vers la prière de l'Fajr. Et Abdurrahman ibn Muljim, il est venu l'assassiner. Et depuis, leur histoire, elle est connue. Wal'iyadu billah. Donc ne vous faites pas avoir par des gens qui viennent avec des paroles mielleuses, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils viennent avec des paroles parmi les meilleures des paroles connues des premières personnes. Mais ils quittent la religion comme la flèche, elle quitte son arc. Aussi rapidement. Et ce sont des fervents adorateurs. Ne vous faites pas avoir par les apparences. Il faut adorer Allah Azza wa Jal. Mais il faut être sur le droit chemin. Il faut être sur le droit chemin. Les moines chrétiens, ce sont des fervents adorateurs. Ils sont dans les monastères, ils ne les quittent pas, matin et soir. Mais ils ne sont pas dans le droit chemin. Ils ne sont pas dans le droit chemin. Et les Khawarij, le prophète, nous a avertis. Voilà leur aspect. Ce sont des fervents adorateurs. Lorsque vous allez regarder votre prière par rapport à la leur, vous allez mépriser la vôtre. Votre lecture par rapport à la leur, vous allez mépriser la vôtre. Mais au même moment, ils quittent la religion aussi rapidement qu'une flèche quitte l'arc. Et plus rapidement qu'une flèche n'atteigne sa cible. Et un des compagnons, lorsqu'on lui a dit « T'as entendu le prophète dire ça ?» Il a dit « Si seulement c'était une seule fois, mais je l'ai entendu plus de 20 fois le dire. » Il faut faire attention. Et n'allez pas vous aventurer. On n'a pas le droit. Vous connaissez « Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. » Cette science est une religion. Voyez donc de qui vous prenez votre religion. Arrêtez d'ouvrir vos portables. Vous dites « Il n'y a personne qui me voit. » Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta sincérité. Il y a un problème dans ta religion, dans ta foi. Comment ça, personne ne te voit? Ça veut dire qu'Allah ne te voit pas? Allah, il te voit. Allah, il voit ce que tu fais. Là où tu crois être tout seul, tu n'es jamais tout seul. Allah, il te voit. Et Allah, il entend. Subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe à Allah, azza wa jalla. Donc, non, les frères, il n'y a personne qui m'a vu. Les frères, ce n'est pas eux qui vont te juger, yawm al-qiyamah. Mais parfois, certains, on dirait, ils ont plus la crainte d'être vus par des gens que par leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Comment tu t'aventures à aller dans des sites? Avant, on parlait de quoi? Les sites où il y a des interdits, des désobéissances. Et mais la personne, elle sait que c'est interdit d'aller voir des femmes ou d'aller écouter de la musique ou d'autres choses qui sont interdites. Mais pire que ça, c'est les ambiguïtés. C'est d'aller dans les sites où toi tu crois que tu as accompli des bonnes actions. Je vais écouter un cours, je vais regarder une vidéo religieuse, entre guillemets. Et en réalité, ce sont des prêcheurs de l'égarement qui parlent. Tu ne les connais même pas. Et après tu viens demander, hey, il est connu un tel, on a le droit de l'écouter, après avoir écouté 1000 fois la personne. Et dès que tu vas lui dire non, mais pourquoi, je ne comprends pas, et ainsi de suite. Voilà. Et ça ramène la polémique, ça ramène des problèmes. Parce que les gens n'appliquent pas ce qu'il faut. Tu te renseignes avant. L'ambiguïté pour qu'elle rentre, c'est rapide. Pour qu'elle te quitte, c'est une autre question. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et ce n'est pas à toi de dire, ah mais moi je ne vois pas où le mal. Tu es un savant? Non, je ne suis pas un savant. Tu connais bien? Non, franchement, j'ignore beaucoup. Alors comment, si tu es conscient de ta situation, tu peux te permettre de juger? Mais moi, je n'ai jamais rien entendu de mal. Je n'ai jamais rien vu. Mais au même moment, je ne connais rien de la religion. Il y a un problème, quelque part. Il y a un problème. La religion n'est pas un jeu. C'est une question de paradis ou d'enfer. Donc la personne, elle fait attention. Parce que si on va, on écoute, on regarde, on va commencer à s'attacher. Une fois qu'il y a de l'attache, ça devient un problème. C'est pour cela que mieux vaut rien faire jusqu'à que tu aies la réponse à ta question. Alhamdulillah. Dans la dunya, les gens, ils le savent. Ta voiture, tu ne la ramènes pas à n'importe qui, le premier venu. Lui, il te la cabosse, lui, il te la cabosse, lui, il te la cabosse. Et tu continues comme ça. Non, tu dis, non, ma voiture, personne ne la touche. Je me renseigne. Tu connais un bon mécano? Oui, je connais. Un tel. D'accord, je l'appelle. Là, on fait attention. Subhanallah. Dans la dunya, les gens, ils savent faire attention. Dans la religion, il y a un certain laisser-aller, mais qui, on en voit les gravités. Sachez que la plupart, beaucoup de ceux qui se sont égarés, et les petits jeunes, là, qui ont fait n'importe quoi, la plupart, c'est parce que, ça se trouve, au début, ils avaient un bon sentiment, un bon fond. Ils ont été, ils ont voulu se mettre dans la religion, ils ont voulu apprendre, mais ils ne sont pas tombés sur les bonnes personnes. Ils n'ont pas eu un bon entourage, et ainsi de suite. Il ne faut pas croire. Et combien de gens se perdent de cette manière? Donc, il faut être vigilant. Donc, d'avoir un bon comportement, comme nous l'a enseigné le prophète, et d'avoir de l'amour envers les membres de sa famille et ses compagnons. Ça, c'est les gens de la sunna. Les gens de la sunna, on aime la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on aime tous les compagnons. Et quand on dit la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était aussi des compagnons. En même temps qu'ils étaient famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pour préciser que c'est des proches parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, c'était des compagnons. Al-Abbas, radiallahu anhu, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au même moment, c'est un compagnon. Hamza, radiallahu anhu, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au même moment, c'est un compagnon. Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais au même moment, c'est un compagnon. Vous comprenez ? Ali, radiallahu anhu, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au même moment, c'est un compagnon. Fatima, radiallahu anha, c'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au même moment, c'est une femme compagnon. Donc, ça, c'est pour préciser. Et jamais le sunna n'ont une quelconque animosité ou un quelconque problème avec la proche parenté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'on essaie de faire croire les chiites, les rawafid. Hein, pour voir aussi, c'est une des manières pour faire passer leur message. Nous, on nous en veut, c'est parce qu'on fait passer en premier la famille du prophète. Nous, on nous en veut, c'est parce que la famille du prophète, elle a été opprimée. Et nous, on veut les secourir. On veut leur redonner leur place. Ça, c'est un leurre. Alors qu'en réalité, al-rawafid, ils veulent la destruction de l'islam. Al-Rawafid, les véritables Rawafid, ils veulent la mort de tout ce qui est peuple arabe. Parce que pour eux, ils considèrent qu'avec l'avènement de l'islam, les Perses ont perdu leur empire. Ce grand empire qu'ils avaient connu pendant peut-être même des millénaires ou des siècles, avec l'avenue de l'islam, ils ont perdu leur empire. Et c'est ça qu'ils veulent refaire, renaître et revivre. Et faire revivre même peut-être leur ancienne religion, hein, qui est idolâtre, qui est la religion des Zoroastriens, les mages, les adorateurs du feu, qui existe jusqu'à maintenant. Il y a toujours des feux qui sont allumés en Iran, où il y a des mages, parce que eux, dans leur religion, le feu ne doit jamais être éteint. Il doit toujours rester. Donc il y a des gardiens qui préservent ce feu. Et elle existe toujours. Donc, ils vous font croire que nous, on fait tout pour la famille du prophète. Et regardez ce qu'ils font. Ils en ont fait des divinités en dehors d'Allah. Même devant la Kaaba, ils n'appellent pas Allah. Pour ceux qui ont déjà été, ils ont déjà vu de leurs propres yeux, entendu. Ils appellent Al-Abbas. Ils appellent Al-Hussein. Ils appellent Ali. Ils interpellent des morts, des défunts, qui sont des grands hommes. Mais qu'on n'a pas le droit d'adorer en dehors d'Allah, Azza wa Jal. Leur religion n'est que du mensonge sur du mensonge. Il n'y a jamais eu de secte plus mensongère que les Rawafid. C'est les plus grands menteurs qu'on ait jamais trouvés. Tout est mensonge. Il n'y a pas de chaîne de narration, que de l'invention. Wal'iyadu billah. Donc il faut faire attention. Pas tomber dans les pièges. Et eux, au même moment, ils disent que les compagnons, dans leur, pratiquement leur totalité, à part quelques personnes qu'on compte dans les doigts des deux mains, ils sont tous apostasiés après la mort du prophète. Pour eux, ils les considèrent comme des mécréants. Et les plus grands ennemis des Rawafid, ce sont les deux meilleurs hommes après les prophètes. Abu Bakr et Omar. Les meilleurs des hommes, ce sont leurs plus grands ennemis, qui les maudissent matin et soir dans leurs prières. Wal'iyadu billah. Et ils prétendent, a'udhu billah. Leur fondateur est un juif, c'est Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, il a travaillé. Ah, il a travaillé, il n'a pas dormi. C'est un juif du Yémen. Il a compris que pour nuire aux musulmans, il y a l'islam et le détruire, c'est de l'intérieur. Ça serait dur de le faire de l'extérieur. Donc il s'est converti à l'islam, il s'est fait passer pour un bon musulman. Et il a dit, moi, je veux le bien, je veux la justice, je veux... Parce qu'on entend les gens crier tout haut. Je veux la justice, c'est pour ça que je parle. Et il leur a dit à ceux qui l'écoutaient, parlez ouvertement sur les gouvernants, sur les autorités. Vous allez gagner les cœurs des gens. Les gens, ils aiment bien quand on leur dit t'as subi une injustice, on a pris ton droit, on t'a privé de quelque chose. Les gens, de base, ils aiment bien écouter ce genre de message. Et derrière, c'était quoi? C'est le mal qui s'y trouve. Alors que Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a dit, les grands parmi les compagnons, parce que lui, il était parmi les petits des compagnons, nous ont interdit de parler sur nos autorités. Ça, c'est le comportement qui est demandé. Mais il y en a, ils ont préféré et délaisser le conseil de Anas et de prendre le conseil de Abdullah ibn Saba. Et Abdullah ibn Saba, il a la base des Khawarij et des Rawafid et des Shia. Il a travaillé. Il a réussi à gagner des gens avec ce genre de paroles et de discours. Wal'iyadu billah. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait que suivre ce qu'ont fait les hypocrites du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils en ont profité. Lorsque Aïcha, la mère des croyants, la véridique, la fille du véridique, la fille d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhum ajma'in, qu'elle a tardé à rejoindre la caravane des musulmans qui rentraient. Et il y avait un homme, un cavalier, qui avait pour habitude de rester à l'écart et de suivre de loin la caravane. Comme ça, si jamais ils oublient quelque chose sur leur passage, ils le ramassent. Et ils trouvent Aïcha, radiallahu anha. Et Aïcha, comme elle était légère, elle n'était pas forte, de corpulence, elle n'était pas lourde, les hommes qui portaient... comment on appelle ça? Le palanquin, si ça s'appelle le palanquin, c'est ce qu'ils mettaient sur le dos du dromadaire. Du dromadaire, d'accord? Et donc il y avait les femmes qui étaient dedans, cachées dedans. Donc, quand ils l'ont porté, ils n'ont même pas remarqué que Aïcha n'est pas dedans. Elles n'ont pas remarqué dans le poids, ça, ils n'ont pas remarqué. Ça fait qu'ils sont tous partis et ils ont laissé Aïcha derrière. Le mohim, cet homme, il arrive, il trouve Aïcha radhiyallahu anha. Donc, et il rentre avec elle à Médine. Les hypocrites. Et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le maître des hypocrites. Il a dit, c'est l'occasion. C'est l'occasion de toucher l'honneur du prophète. Puisqu'ils étaient tout seuls dans le trajet, personne avec eux. Donc, il a dit, ils ont forniqué. Et le bruit a couru dans Médine. Aïcha, elle n'est même pas au courant. Elle n'est même pas au courant et que dans les rues de Médine, le bruit court. Comme quoi, il y a eu la fornication. A'oudhou billah. C'est les hypocrites qui ont propagé cela. Le récit, il a duré pendant un mois. Puis les versets coraniques sont descendus pour innocenter Aïcha radhiallahu anha et que c'était que pur mensonge. Et dedans, il y a des enseignements. L'histoire a été close. Al-Rawafid, ils l'ont fait renaître. Et ils ont dit que Aïcha l'a forniqué. A'oudhou billah. Ils ont ramené l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui, ils traitent Aïcha de fornication. L'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le respect qu'ils ont du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le respect qu'ils ont des versets coraniques. Wal'iyadhu billah. Alors qu'Allah, il l'a innocenté. Mais ils ne font que ressembler aux juifs qui, eux, ont traité la Sainte Vierge Marie, Maryam, alayhi salam, de fornication. Lorsqu'elle est venue avec Isa, alayhi salam, d'accord? Et ils ont dit qu'elle avait forniqué. Alors que Isa, c'était un miracle. Dans le berceau, il a parlé. Il a parlé dans le berceau, alayhi salam. Et donc, les juifs ont dit cela de Maryam, alayhi salam, leurs suiveurs venus plus tard, Rawafid, ils ont dit la même chose. Et il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Beaucoup. Il y a même des ouvrages qui ont été écrits là-dessus, sur les points communs et les ressemblances qu'il y a. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Donc, on a de l'amour pour la famille du prophète sallam et pour ses compagnons radhiallahu anhum. Pas ceux qui disent qu'avec la parole Nous, on aime les compagnons. Les compagnons sont un exemple. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, ainsi de suite. Mais dès qu'ils ont un de leurs leaders qui ose parler en mal des compagnons, ils font la sourde oreille. Hein? Les frères musulmans, ils se font passer pour des gens de la sunna. Mais au même moment, ils veulent tendre la main aux chiites et aux rawafid pour qu'on soit ensemble. Car on a un ennemi externe commun. C'est leur parole. Hein? Donc il faut qu'on soit ensemble. C'est pas grave nos divergences et nos différends. C'est rien du tout. C'est des questions politiques. A'udhu billah. Et quand les ulama leur disent, mais bon, c'est une erreur. Non, mais il a fait tawbah avant. Il est revenu. Il n'y a rien du tout, tout ça. Ce sont que des leurs. Sayyid Qutb, a'udhu billah. Il a rendu service aux Shia. Shia, ils prétendent que même Shia est le sunna. Parce qu'eux, ils croient que tout ce qui n'est pas Shia est sunna. Alors que non, il n'y a pas que deux tendances en islam. Quand ça m'a dit, il y en aura 73, subhanallah. Il y en a beaucoup d'autres. Hein? Donc ils pensent que même chez Al-Sunnah il y a des gens qui sont d'accord avec nous et qui reconnaissent que dans les compagnons il y en avait qui avaient des problèmes. Il remet en doute l'islam de Uthman, de Muawiyah ibn Abi Sufyan, d'Abu Sufyan wa de Hind radiyallahu anhu majma'in, de Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Ça c'est Sayyid Qutb qu'il vénère et qu'il se met en colère lorsque quelqu'un démontre la vérité sur lui. Après, ils disent que nous, on fait tout pour l'islam. Comme a dit Cheikh Al-Fawzan, beaucoup disent le mot islam, mais on leur demande de quel islam vous parlez. Aujourd'hui, on vit une époque où il faut que la personne, elle précise de quel islam. Le mot islam, maintenant, les significations, elles sont à prendre ou à laisser. C'est quoi l'islam auquel vous appelez? C'est un mélange de c'est quelle doctrine? Comme il a dit Cheikh Qutb ou d'autres. Où ce sont les enseignements dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela que As-Salaf ne prenait pas ces questions à la légère. Parler en mal d'un seul compagnon, il considérait la personne comme étant sur la voie qui fait sortir de l'islam. Il n'y a qu'un zindir pour faire cela. Toucher un Muawiyah, Muawiyah c'est comme le voile, le rideau. Hein, le rideau qu'on veut enlever pour rentrer à l'intérieur. Et en vérité, quand ils te disent Muawiyah, Muawiyah, Muawiyah, c'est pour entrer à l'intérieur et à s'attaquer à d'autres. Et au final, quand les compagnons, quand les rawafid disent que la majorité des compagnons ont quitté l'islam, ont apostasié, Tayyib, qu'est-ce qu'il nous reste de l'islam? Comment les hadiths, c'est fini. D'abord, ils n'y croient pas aux hadiths qu'on a. D'accord? Le Coran, qui nous l'a transmis? Ce sont les compagnons. Mais les extrémistes de chez eux l'ont dit clairement. Ils ont dit que le Coran, ce n'est pas le bon Coran. Ce n'est pas celui-là. Celui qu'on a, qu'on récite, ce n'est pas celui-là. Et pourquoi vous l'avez? Non, ça c'est une dérogation. Le temps qu'on retrouve le vrai Coran et qu'il revienne. A'udhu billah. Ils ont même écrit des Corans en rajoutant des passages qui n'existent pas. Ils ont dit c'est la sourate al-Wilaya. C'est dans laquelle il est précisé que Ali devait prendre le pouvoir après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que des inventions pour casser l'islam wal-iyadu billah, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent, même s'ils trouvent toute la terre pour les soutenir, au final Allah tabaraka wa ta'ala c'est qui garant de préserver son livre. Et son livre il est préservé. Beaucoup ont essayé de le toucher de près ou de loin, ils ne pourront jamais. Subhanallah. Et il restera toujours dans la communauté musulmane un groupe de personnes sur la vérité. Ceux qui les contredisent, qui essayent de leur nuire, ne leur seront d'aucune nuisance jusqu'à que l'heure sonne. Et de s'éloigner et de réfuter ceux qui innovent dans la religion du prophète alayhi salatu wassalam, qui essaye d'atteindre un des compagnons. Wa amma an-nasiha li a'immati al-muslimin faqad dhakarnaha fi sharh al-hadith as-sabiq. Concernant le conseil envers les autorités, les gouvernants musulmans, on a déjà vu, on a déjà expliqué cela dans le précédent hadith. Wa amma an-nasiha li 'ammati al-muslimin وهم من عدا ولاة الأمر. En quoi consiste le conseil envers le restant de la communauté, la masse des musulmans. C'est tous ceux qui ne font pas partie de l'autorité. C'est de les diriger, de leur recommander ce qui est un bénéfice pour eux, pour leur au-delà ou leur vie d'ici-bas. Et aussi d'éloigner tout mal qui pourrait les atteindre. Ça, c'est le conseil qu'ils attendent de toi, les musulmans. Voilà. Tu es un musulman, tu as la masse des musulmans face à toi, voilà ce qu'ils attendent de toi. C'est que lorsque tu leur parles, lorsque tu leur donnes des recommandations, s'il y a une utilité, un bénéfice pour leur vie d'ici-bas et pour leur au-delà. Et aussi, tu fais en sorte qu'il n'y a pas un mal qui vienne les toucher. Voilà le comportement du bon musulman. فَيُعَلِّمُهُمْ مَا يَجْهَلُونَهُ مِنْ دِينِهِمْ. Et il leur enseigne ce qu'ils ignorent de leur religion. وَيُعِينُهُمْ عَلَيْهِ. Et il les aide à appliquer les préceptes de la religion. بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. Que ce soit par la parole ou les actes. وَأَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِيهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. En leur ordonnant le bien, en leur interdisant le mal. بِرِفْقٍ وَإِخْلَاصٍ وَسِتْرِ عَوْرَاتِهِمْ. Et tout ceci, il le fait avec sincérité. Il le fait avec douceur et tendresse. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Et c'est de par une grâce de ton Seigneur que tu as été clément, doux envers eux, envers les compagnons. Et si tu étais doté d'un cœur dur, ils ne seraient pas restés autour de toi. Et aussi de cacher leurs défauts, de préserver leur intimité, de préserver leur honneur et leur dignité. Voilà le comportement du musulman. Le véritable musulman, voilà comment il se comporte avec la masse des musulmans. وَسَدِّ خَلَّاتِهِمْ وَدَفْعِ الْمَدَارِ عَنْهُمْ وَجَلْبِ الْمَنَافِعْ لَهُمْ وَالشَّفَقَ عَلَيْهِمْ وَتَوْقِيرْ كَبِيرِهِمْ وَرَحْمَةِ صَغِيرِهِمْ وَتَخَوُّلِهِمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَتَرْكِ غَشِّهِمْ وَحَسَدِهِمْ وَأَنْ يُحِبَّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِّ. Et aussi, il essaie d'éloigner d'eux toute nuisance qui viendrait à les atteindre. Et il essaie de les aider à atteindre tout bien qu'ils recherchent. Et il a de la pitié, de la douceur et de la clémence envers eux. Et il a le respect envers les plus grands et les plus âgés. Voilà, ça c'est le comportement de l'islam. Hein, on n'est pas tous nés le même jour. On n'est pas tous de la même génération. On n'a pas tous le même âge. Donc il y en a, ils sont plus petits, il y en a, ils sont plus grands. Et l'islam nous enseigne comment on doit se comporter. Et les plus grands, les plus âgés, on a du respect envers eux. Pour leur âge, qui nous ont précédés, on les respecte. Ça, c'est un enseignement de l'islam. C'est un enseignement de l'islam. Quand on est jeune, on respecte les plus âgés. On respecte les plus grands. Ça, c'est demandé en islam. Ce n'est pas normal que des personnes âgées se plaignent du manque de respect des plus jeunes. Un mauvais comportement. C'est clair que le milieu, la société dans laquelle on grandit, on a vécu, elle joue, elle a un impact sur notre comportement et on en voit les fruits. C'est clair. Chacun et l'éducation qu'il a reçue au sein de sa famille et au sein aussi du milieu dans lequel il a passé sa jeunesse ou son enfance. Mais lorsqu'on est dans l'islam, on en apprend tous les jours. Et lorsqu'on est conscient qu'on a un mauvais comportement, on le corrige. Il ne faut pas le dire comme certains ils disent, moi, je suis comme ça et puis c'est tout. Il faut m'accepter comme je suis. Ça, ce ne sont pas des bonnes paroles. Il faut faire l'effort. Fais l'effort. Les gens vont voir. Quand on voit quelqu'un faire l'effort, eh ben, on ferme les yeux sur des choses. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il fait des efforts. Mais pas comme la personne qui ne fait aucun effort. Donc les efforts de part et d'autre sont demandés. Mais la personne, elle se doit de bien se comporter. Et le plus âgé, le plus grand, il se doit d'être clément, miséricordieux envers le plus petit. Il est passé par cet âge-là. Il sait un peu les phases Donc il se rappelle, il n'oublie pas que lui aussi il est passé par là. Il a été content de voir des gens qui lui ont parlé avec douceur, qu'il est tombé sur des gens qui ont été cléments envers lui. Eh bien, il en fait de même avec les plus jeunes que lui. Et aussi, de temps à autre, de leur faire la bonne exhortation, le bon rappel. De temps à autre. Tachawulahum, de temps à autre. Comme les sahaba, comme le prophète le faisait, et comme les sahaba le faisaient. Sahaba, ils faisaient, il y en a, ils leur demandaient, on veut plus. Non, sinon vous allez vous enlacer. C'est mieux de vous laisser alors que vous avez encore envie. Comme ça, vous allez revenir et on refera une exhortation. Pas comme certains. C'est vrai, il y en a, ils sont lourds. Il y a des personnes, elles sont lourdes. Ils t'envoient des messages toutes les 5 minutes. Et quand tu vas lui dire quelque chose, pourquoi tu n'aimes pas les rappels ? Subhanallah. Oui. Subhanallah. Non. Il y en a un, par exemple, tout à chaque fois que tu le rencontres, doucement, tranquillement, de temps à autre. Et celui qui veut passer un message, qu'il cherche les meilleurs moments, meilleurs endroits. Ce n'est pas toute vérité qui a à dire à tout moment ou en tout lieu. Non. Donc la personne, elle doit faire preuve d'intelligence et de bon raisonnement. Comme ça, il facilite aussi à son prochain. Il facilite à son prochain. Comme il y en a, on dit, ils font de l'abus de pouvoir. Hein? Ce n'est pas parce que tu es hiérarchiquement au-dessus d'un tel dans un travail que tu vas l'embêter. Et tu vas lui demander à toutes les secondes quelque chose. Non. Il y en a, c'est ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir. Ce n'est pas bien. Donc la personne, elle, il faut savoir avoir le tact. Et savoir comment parler aux gens et à quel moment, et ainsi de suite. Des fois, il y a des gens, ils disent, oh, il n'accepte pas la vérité. Et quand tu vas voir, c'est pas vrai. Seulement lui, il est venu à un moment où la personne n'avait pas la tête à écouter. Lui, il veut faire le forcing. Et au final, il va dire quoi ? Ouais, non. De même, ne poussez pas des gens. Si vous savez que par exemple, quelqu'un, c'est quelqu'un de colérique, ne le poussez pas à bout. Alors, t'as vu ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il a dit ? Mais ça fait une demi-heure que tu l'embêtes. C'est toi le fautif. Tu l'as poussé à bout. Lui, il a commis peut-être un péché, mais tu en fais partie. Tu as ta part dedans. Quand le prophète, en salam, il dit que l'un d'entre vous ne maudisse pas ses parents, les compagnons ont dit au messager d'Allah, mais qui d'entre nous va maudire ses parents ? C'est énorme d'en arriver à ce stade-là. Il leur a dit, l'un d'entre vous va maudire les parents de l'autre. Et l'autre va maudire tes parents. Donc au final, tes parents, de par les paroles, ont été maudits à cause de toi. Tu lui as dit, il a répété ce que tu lui as dit. Donc c'est toi le fautif, c'est toi qui l'as poussé. Tu as ta part dedans. De même, tu sais que des gens, hein, ce sont des ennemis de l'islam. Ne les pousse pas à parler. Il y en a, ils sont là pour les titiller. Eh, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu dis ? T'as vu ce qu'il a dit ? Allahu al-musta'an. Que ce soit dans les réseaux sociaux, que ce soit même dans une rencontre, on ne fait pas ça. Les idolâtres, bah, ils adorent des divinités fausses. D'accord ? Leurs divinités n'ont aucun droit de respect. Hein, des statues, de la pierre ou je ne sais quoi. Mais si tu parles en mal de ces divinités devant eux, ça va les amener à parler en mal d'Allah. Tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Parce que c'est toi qui les as poussés à parler en mal d'Allah. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا. Et n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. De ce fait, ils vont se mettre à insulter Allah. Ça, c'est important. Donc, il délaisse aussi, il ne les trahit pas. Il ne les jalouse pas. Ici, quand on dit les jalouser, c'est comme envier. C'est le fait de vouloir qu'une chose, un bien que ton frère il possède, qu'il ça disparaît, qu'il ne l'ait plus. C'est celle-là. Quoi. Parce que le terme jalousie, il est employé dans d'autres sens aussi. D'être jaloux, c'est bien, c'est demander envers son honneur, envers sa famille, envers son épouse, quelqu'un qui a de la jalousie. Hein, ça, c'est demander. Mais là, c'est d'envier quelqu'un de ce qu'Allah lui a octroyé, lui a donné. De sorte que tu voudrais qu'il ne l'ait plus. Ça, le musulman ne se comporte pas comme ça. Et qu'il aime pour eux, pour les musulmans, ce qu'il aime pour sa propre personne, en bien. Et qu'il déteste pour eux ce qu'il déteste pour sa propre personne. comme mal. ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر والذب عن أموالهم وأعراضهم. Et il vient défendre l'honneur, la dignité et les biens, les richesses de ses frères. Ce qui t'appartient, t'appartient. Ce qui appartient à ton frère, appartient à ton frère. Nul ne vient à s'en prendre à l'autre, d'une manière ou d'une autre, même avec des ruses. Mais c'est dommage, c'est des choses qui arrivent, surtout dans le domaine du commerce. On en entend des plaintes. On en entend des plaintes. Le commerce, quand tout le monde s'est mis dedans, on a vu le résultat. Quand les faux commerçants se sont mis dans le commerce, on a vu le résultat. Un vrai commerçant, ça se voit dans sa façon d'être, dans sa façon de commercer. Un faux commerçant, c'est quelqu'un qui a vu des gens s'enrichir et il a cru qu'il allait les imiter et demain il va être riche. Ouais, j'ai investi, j'attends toujours. Ça, c'est... Un vrai commerçant, il ne parle pas comme ça. Un vrai commerçant, il sait. Il sait qu'un investissement, il faut un certain temps. Il sait que ça peut demander des années des fois. C'est là qu'il va goûter aux fruits de son commerce. Mais comme tout le monde se lance à tout va, parce que c'est cette volonté de s'enrichir le plus rapidement possible, hein, c'est un problème. Fais attention. Et avec le commerce, il y a les règles. Quelqu'un qui veut se lancer dedans, il doit apprendre. Il doit apprendre. Et combien le comportement islamique, il le perd dans ces moments-là. Surtout quand il y a l'argent en jeu, alors là, il y a des gens, on ne les reconnaît plus. Des fois même, on entend des gens dire des phrases, elles font peur. Tu viens le raisonner, « Eh, moi, à ce moment-là, je ne suis pas musulman. Hein, » des phrases, oui. Ah, ça, on l'a déjà entendu. Là, ça veut dire, ne me parle pas, là. Ah, tu veux le faire à l'ancienne, on va le faire à l'ancienne. Ça veut dire, à la jahiliya, à l'époque, on était dans le quartier, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Moi aussi, j'ai connu une époque, voilà. C'est comme ça, a'oudhu billah. Ce sont des phrases, ça ne peut pas sortir d'un bon musulman. Il y a un manque, il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Il y a un problème. L'argent, c'est dangereux. C'est bien et c'est dangereux. Hein? C'est les nerfs, hein, les gens. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. L'islam n'appelle pas aux gens d'être des moines dans des temples. Non, tu vis ta vie. Hein? Tu vis ta vie, alhamdoulilah, tu as le droit de t'enrichir, tu as le droit de travailler, tu as le droit. Alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Mais dans les règles, dans les normes. Dans les normes et dans les règles. Ça, c'est important de savoir. Il y en a, ça les a rendus malades. Et des fois, c'est là qu'on comprend que parfois, il y a des gens, c'est mieux pour eux qu'ils n'aient pas d'argent. Ils sont mieux dans leur religion. Voilà. Et il y en a, lorsqu'ils ont de l'argent, mashallah, ils entretiennent bien leur religion. Et ce n'est pas tout le monde. Taïb. وَحَثُّهُمْ عَلَى التَّخَلُّقِ بِجَمِعِ مَا ذُكِرِ. Et aussi, il les encourage, leur recommande de se comporter comme il le faut, comme on a vu précédemment. مِنَ النَّصِيحَةِ وَتَنْشِطِهِمْ أَمِهِمْ إِلَى طَاعَةٍ. De leur faire la recommandation, le conseil, et de les encourager à plus d'engouement dans l'adoration et dans l'obéissance. Et le cheikh nous dit, cheikh Rabi Hafdallah, انظر شرح النووي لصحيح مسلم. Pour de plus amples explications, de retourner à l'explication, le commentaire de l'imam Nawawi de صحيح مسلم. ما يستفاد من الحديث. Les leçons à retenir du hadith. أن النصيحة تسمى دينا وإسلاما. Le conseil, hein, on l'appelle religion, on l'appelle islam. Parce qu'il a dit الدين النصيحة. أن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. On appelle religion une action, comme on peut appeler la religion une parole. وأنه لا دين لمن لا ينصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. Et qu'il n'y a pas de religion pour celui qui ne conseille pas envers Allah, son messager, les autorités des musulmans et toute la masse des musulmans. وَمَنْ غَشَّهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Et celui qui viendrait à les trahir, à tricher envers eux, il ne fait pas partie d'eux. Ça doit faire peur normalement. Il y en a où Allah, on se demande, subhanallah, il faut un peu se rappeler d'Allah, avoir la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce que le prophète a dit, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. Celui qui triche ne fait pas partie de nous. Et il y a des gens, je ne sais pas s'ils se rappellent de ce hadith. Il trouve tout moyen pour se permettre de mentir dans un document, dans une parole. J'ai sous-signé sur l'honneur et il va le faire, il va signer. Il va prendre la somme d'argent et il sait que c'est mensonger. Et il sait qu'il n'entre pas dans les critères. Mais cet amour de gagner de l'argent va le pousser à accepter des réponses ou des fatwas ou je ne sais quoi, alors qu'au fond de lui, il sait que tout ça, c'est que mensonge. Ce n'est pas vérité. Comment veux-tu un jour conseiller ces gens-là qui sont derrière le comptoir? Et eux, ils savent ce que tu as fait. Oui, l'islam. Et l'islam, elle vous enseigne de faire ces choses-là? Ils en ont des choses à raconter. Comment voulez-vous? Mais ils ne croient pas. Ils disent non, ce sont des gens qui font croire des choses, mais ce n'est pas vrai. Subhanallah. C'est dangereux. C'est dangereux. Dangereux pour toi-même et même dans le prêche, de par ces actions-là. Jamais. Mieux vaut rien avoir. J'ai pas d'argent. J'ai fait l'effort, j'ai pas pu gagner de l'argent. Allah, il ne va pas me punir pour ça. Allah, il a décrété que je ne trouve pas. Que de faire rentrer de l'argent dans mes poches, de faire nourrir mes enfants, alors que c'est haram, c'est interdit. A'udhu billah. Les gens ils disent, ouais, on va faire le hijra. C'est très bien. Mashallah, prenez vos valises, partez. Mashallah, c'est très bien. 2 ans après, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a été rattrapé. Rattrapé par qui? Rattrapé par la CAF. C'est dangereux. A'udhu billah. C'est pas normal. Harry, tu vas partir, t'appelles. Voilà, je voudrais savoir, je ne connais pas vraiment la loi ou le règlement. Voilà, moi, je touchais la CAF, je vais partir. Est-ce que j'y ai le droit ou j'y ai pas le droit? Monsieur, vous allez partir où? Dans tel pays? Ah non, selon les... Voilà. Non, vous n'avez pas le droit. Bon, bah d'accord, bah voilà. Bah, je vous avertis que je partirai à telle date. Voilà. Il est où le problème? Il est où? Dites-moi, il est où le problème? Subhanallah. Non, non, non, j'en ai besoin pour ma hijra. Ils s'inventent des règles, les gens. A'udhu billah. C'est pas bien. Un bon musulman ne fait pas ces choses-là. Ne fait pas ces choses. Et Allah, il n'y met pas de la baraka. Il n'y met pas de la baraka. Il n'y a pas de baraka dedans. Il n'y a pas de bénédiction. Subhanallah. Et donc, le musulman, il fait attention. L'argent qu'il a, c'est de l'argent qui est. Allah, il est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et vous avez peur de quoi? Vous croyez. Quelqu'un a eu accès aux tablettes bien préservées auprès d'Allah? Personne. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas l'heure, vous allez mourir. Vous ne connaissez pas ce que vous allez acquérir le lendemain. Donc n'agissez pas comme celui qui le sait. Non, genre, on va prendre mon risque. Comment tu le sais que c'est ton risque? Comment le sais-tu? Subhanallah. Donc tu ne sais pas. Tu sais ce que tu as eu aujourd'hui, demain tu ne sais pas. Aucune âme ne sait ce qu'elle va gagner, acquérir le lendemain. Et le prophète sallam nous dit Inna ruha al-Qudus nafatha fi raw'i ay fi nafsi anna nafsan lan tamut hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fa ajmilu fi talabi fa innama 'inda Allah la yunalu bil haram. Le Saint-Esprit, l'ange Gabriel, a insufflé en moi qu'aucune âme ne mourra jusqu'à qu'elle ait pris pleinement sa subsistance et qu'elle ait terminé sa vie. Le nombre d'années qu'il doit vivre, le temps qu'il doit vivre dans ce bas-monde. Donc tu ne pourras pas quitter ce bas-monde tant que tu n'as pas pris pleinement ta subsistance qu'Allah il t'a écrit et que tu aies vécu le temps qu'Allah il t'a écrit. Alors, demandez ce qui est auprès d'Allah d'une manière permise, car ce qui est auprès d'Allah ne se prend pas par des manières interdites ou des moyens interdits. Dans le doute, même. Ça, c'est une chose claire. Même dans le doute, on s'en éloigne. J'ai le droit ou j'ai pas le droit. Je m'en éloigne. J'en veux pas. Je préserve ma religion et mon honneur. فَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Celui qui est tombé dans les ambiguïtés, les choses floues, ambiguës, il est tombé dans l'interdit. Parce qu'à ce moment-là, pour lui, c'est flou. فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ. Celui qui s'est éloigné des choses ambiguës, floues, aura préservé son honneur et sa religion. C'est ça, un bon musulman, voilà comment il se comporte. On passe un examen, on ne triche pas. T'as eu combien? J'ai eu un 17 sur 20. Et toi, tu as triché. Tu ne sais même pas en réalité combien est ta note. De toute façon, c'était un 0. Et tu viens de dire, bah, j'ai eu un 17 sur 20. Si les gens n'ont rien vu, Allah, il voit tout. Subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe à Allah Azza wa Jal. C'est pour cela, toujours se rappeler, Allah il me voit, Allah il m'entend. Si les gens ne savent pas, Allah il sait. Subhanahu wa ta'ala. Il faut travailler sa foi. وجوب النصيحة في جميع ما ذكر من أنواعها على جميع المسلمين. L'obligation, le devoir de conseiller dans tous les points qu'on a vus, hein, tous les musulmans. كل على حسب طاقته وعلمه ومكانته في المجتمع. Et chacun entamera ce conseil selon sa capacité, hein, ses moyens, sa connaissance et sa place dans la communauté. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Oui, inshallah.